Bonsoir tout le monde, c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer la saga avec un tout petit peu de retard parce que en raison justement de ce super match qui aura lieu dans 15 jours, j'ai besoin de faire quelques petits réglages avec une table de mixage que j'ai apportée exprès. Donc, je vous laisse pas sans rien, hein. Vous avez droit à un petit une chanson choisie au hasard. Les Beatles, tiens, allons-y. Rendez-vous tout à l'heure pour la saga. Vous êtes bien sur RIG, il est 20h09. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 402 sur RIG 90.7. Également sur www.rgfm.fr pour ceux qui nous écoutent sur le net. Et je vous dis que l'album de la semaine de ce soir, c'est Goodnight Vienna de Ringo Starr en 1974. On écoutera Goodnight Vienna parce qu'on est obligé de passer par là, c'est vraiment un très très bon titre. Et ça a même donné le nom à son album. Snookaloo, on écoutera All By Myself, Husbands and Wives, un morceau que j'adore, qui est bien triste mais que j'adore quand même, Call Me et Back Off Boogaloo. Il y aura également du Lennon, du McCartney, du Harrison et des Beatles par exemple. New York City, extrait de l'album Sometime in New York City en 1972. Pour Paul McCartney, ce sera Dear Boy sur Ram en 71. Pour George Harrison, Don't Let Me Wait Too Long sur Living in a Material World en 1973. Quant aux Beatles, ils nous chanteront Honey Pie avec les Beatles, forcément. L'album blanc, j'avais marqué Beatles, il fallait marquer l'album blanc de 1968. Pour le reste, vous verrez bien, retrouvez-nous sur Facebook dans la saga des Fab Four. Et on va couper tout de suite le générique pour laisser place à Goodnight Vienna sur RIG. C'est John Lennon qui lui a composé cette chanson en 1974. Un très très bon titre. John Lennon que l'on retrouve maintenant sur l'album Sometime in New York City. Un mauvais album, trop politique, avec trop de Yoko Ono qui chante dedans. Mais il y a quand même deux, trois perles, même peut-être un peu plus quand même à sauver de cet album-là. Comme par exemple Woman is the Nigger of the World, comme New York City qu'on va écouter dans quelques instants. Et puis il y a le deuxième vinyle est du live et il y a du bon truc dedans. Donc il y a de bonnes choses à entendre, comme cette chanson sur RIG. Yeah. sur RIGC, la saga des Fab Four que vous écoutez chaque mercredi entre 20h et 22h. Et c'est sur RIG. On essaie de rattraper le retard du début de l'émission. On va y arriver, c'est certain.

Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? It's getting better all the time. I used to get mad at my school. Can't complain. The teachers that taught me weren't cool. She loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better, all the time. La complémentarité de Lennon sur Paul McCartney. Paul McCartney dit « It's getting better all the time », c'est-à-dire « ça va mieux de plus en plus ». Quoi. C'est plus ça va, mieux ça va. Et Lennon qui en contre-champ répond « ça pourrait pas être pire ». Voilà, c'est assez drôle et c'est tout à fait dans l'esprit de Lennon d'être contradictoire volontairement, comme ça. Je voulais vous proposer une chanson que j'ai rarement passée alors qu'elle est très très bien. Elle est de 1983 sur l'album Pipes of Peace. Voici Paul McCartney et « Through ». Our Love sur RG. Vous avez vu, le chat est parti dans ma gorge. We wasted time and again on things we already knew, fun to do. I give my love to you. whenever you get some time. Whenever you get some time, I'd like to roll it all up in a ball and spend it with you. You've got the power of love, and love has the power to make it come true. We can go through our love. Réaction positive sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four au sujet de cette chanson Through Our Love et de cet album Pipes of Peace. J'ai l'impression, mon petit doigt me dit, que bientôt il sera certainement en album de la semaine. On revient en arrière 10 ans avant, en 1973, et c'est l'album Mind Games de John Lennon qui est à l'honneur avec ce titre Meat City sur RG. Ouais. Myself. Yeah, I'm going to China. Lost Weekend pour John Lennon, donc avec le moral en berne. Il va se faire doubler cette année-là par Paul McCartney, par Ringo Starr avec son album Ringo, qui va avoir une meilleure place dans les charts que celui-ci, qui sera classé 9e. 9e, c'est pas si mal, mais lorsqu'on vient des Beatles, eh bien on n'a pas le droit à être moins que 2e ou 3e, voire évidemment 1er. Je vous propose de retrouver l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Goodnight Vienna, avec cette chanson que j'aime beaucoup, que je ne passe pas assez souvent à mon avis sur cet album-là. C'est All By Myself, Ringo Starr sur RG. I looked out my window and watched all the people go by. I wonder what happens and who's taking who for a ride. But don't you know I'm bound to pick up the pieces and watch them land. Making myself some new friends. Don't you know I got a brand new feeling I just can't hide. I don't know why you say goodbye. I say hello. Nous sommes en août 1965. À l'étage, tout le monde, sauf Paul, était effectivement en plein trip. C'était la première fois que John et George prenaient délibérément du LSD. Il faut pas faire ça, hein, les amis. Et ils étaient impatients d'en connaître les plaisirs après les terribles visions de leur première expérience involontaire. Peter Fonda était un habitué et faisait office de guide. Je me souviens que j'étais assis sur la terrasse avec George qui me disait qu'il avait l'impression d'être en train de mourir, raconte Peter Fonda. Je lui dis alors qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter et qu'il fallait juste qu'il se détende, que je savais ce que c'était d'être mort parce qu'à l'âge de 10 ans, je m'étais accidentellement tiré une balle dans le ventre. Mon cœur s'était arrêté de battre 3 fois sur la table d'opération parce que j'avais perdu trop de sang. John passait par là, m'a entendu dire « Je sais ce que c'est que d'être mort ». Il m'a regardé et m'a dit « Tu me donnes l'impression que je ne suis jamais né. Qui t'a mis toutes ces conneries dans la tête ?» Et vous avez une partie des paroles de cette chanson. Cette chanson, d'ailleurs, la première maquette de She Said, She Said était encore plus agressive que la version finale. I said, who put all that crap in your head? You know what it's like to be dead and it's making me feel like my trousers are torn. J'ai dit, qui t'a mis toutes ces conneries dans la tête? Tu sais ce que c'est d'être morse? Parce que là, il parle d'une fille, alors qu'en fait, c'est Peter Fonda. Il avait fait le coup avec le Maharishi pour Sexy Sadie, je vous signale. Donc, ce que c'est d'être morte, ça me fait l'effet d'avoir déchiré mon pantalon. Mais John trouva que cela ne menait nulle part et l'abandonna. Quelques jours plus tard, il l'a repris et chercha un couplet. J'ai écrit la première chose qui m'est passée par la tête. Et c'était When I Was a Boy sur un tempo différent. Mais c'était réel parce que ça venait juste d'arriver. She Said, She Said a été composé en 2 temps, mais Peter Fonda n'a aucun doute sur son origine. Lorsque j'ai entendu Revolver pour la première fois, je suis tout de suite d'où cette chanson venait, même si John ne l'a jamais admis devant moi, bien qu'il n'en ait jamais parlé à personne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Et on continue avec les Beatles. Run for Your Life sur RIG. RIG 90.7, la radio des Beatles. Well, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or I won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end of, little girl. A jealous mind, and I can't spend my whole life trying just to make you toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end, little girl. Run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I catch you with another man, that's the end, little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. On va imaginer que la DeLorean était à l'extérieur du studio puisque nous allons passer de 1965 à 2013 et Paul McCartney toujours vaillant, toujours là et ce titre Save Us serait érigé. Something j'adorais cette chanson, j'aime bien. Sur l'album New, en 2013, vous êtes bien sur RIG, c'est la saga des Fab Four numéro 402. L'album de la semaine, c'est l'album Goodnight Vienna, chanté par Ringo Starr en 1974. Et voici donc le titre dont je vous ai parlé en début d'émission, un titre qui est triste, il parle de la séparation des hommes et des femmes, mais c'est une voix mélancolique qui va très très bien à Ringo Starr. Voici Husbands and Wife, c'est l'une de mes chansons préférées de l'album, écoutez. Lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in hate, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. Two broken hearts lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in haste, such a waste of two lives. My belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. A woman and a man and a woman, some can and some can't and some chanson, mais si, elle est belle, elle est très très belle. Ringo Starr, à l'instant sous RIG. Je vous propose d'en arriver à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John Paul Ringo George, que ce soit avec les Beatles ou après la séparation, même si eux-mêmes faisaient déjà la cover d'une autre chanson, genre par exemple une chanson de Little Richard ou quelque chose comme ça. Du moment qu'ils l'ont chantée, c'est un autre artiste qui va la rechanter à son tour, que ce soit un artiste connu ou pas, ça pourrait très bien être vous. Si vous m'envoyez la chanson, ça m'est déjà arrivé de vous proposer des chansons par des auditeurs et c'est très très bien comme ça. Je vous propose quelqu'un que, à mon avis, vous ne connaissez pas. L'album est sorti en 2013, il s'appelle A Tribute to George Harrison, tout simplement. La chanson, c'est Beware of Darkness et les artistes sont Stanley Samuelson et Astrid qui chante Samuelson. Donc, voici Beware of Darkness. On l'a passé la semaine dernière, mais j'avais envie de vous proposer justement la cover cette semaine. Beware watch out now. Take care, beware of soft shoe shufflers.

Beatles par deux fois. D'abord en 1965 avec cette chanson The Night Before, puis en 1964, on est revenu en arrière, et cette chanson If I Fell. Retour à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Goodnight Vienna, chanté par Ringo Starr en 1974. Et ce titre, Call Me. RIG 90.7. Call me if you wanna see me. Call me if you still believe me. Cause I'm not gonna hide. No, I'm not gonna hide from you. To feed me with your love, I'll be strong. With your love, I'll be strong and carry on. Don't be hit by what you've seen, dear. Like a bad dream, dear. Remember, I slept too. Remember, I slept too with you. Ringo Starr, à l'instant, l'antenne de RIG, dans la saga des Fab Four. Imaginez que la chanson suivante que vous allez entendre, elle a été proposée en 1981 pour l'album Somewhere in England, Et les producteurs, enfin les gens responsables ou plus ou moins des maisons de disques ont dit non, non, c'est trop nul, enfin c'est pas terrible, donc et on est dans les années 80, donc bouge-toi un peu, essaie de faire quelque chose de mieux. Il va faire d'autres chansons pour quatre autres, je crois, il va les en mettre de côté, celles qu'on lui demande de mettre de côté, mais il en gardera quand même un petit peu pour la suite, puisque je crois que cette chanson-là est sortie en phase B de Got My Mind Set On You, si je ne me trompe pas. Voici Lay His Head, et je suis désolé, c'est une des plus belles chansons de George Harrison, c'est sur RIG. Yeah, I'm going to Kansas City. Gonna

take another take. Le temps passe très très vite, dans une vingtaine de minutes ce sera au tour d'Éric de professer à cette place pour son émission Johnny de A à Z, et attention, ce sera un live puisque c'est le premier mercredi du mois avec Éric dans la saga. Oui, j'en parle dans la saga, mais lui c'est Johnny de A à Z. Ok, on retrouve pour une dernière fois l'album de la semaine et Back of Boogaloo sur RIG. Il reprendra cette chanson en 1981 sur l'album Stop and Smell the Roses en y ajoutant des petits clins d'yeux, on pourrait dire, aux Beatles, puisqu'on entend Help, I need somebody, help, etc. Et See how they run dans la chanson. Ben oui, c'est bien. Allez, nous allons très vite parce qu'il reste à peine un quart d'heure. Oui, oui, je sais, il faut se dépêcher. Voici extrait du nouvel album de Paul McCartney, un album décidément très, très bien. Une des plus belles chansons de l'album, Do It Now. Écoutez les paroles, c'est parfait. Got the time, the inclination, I have answered your invitation, I'll be leaving in the morning, watch me go. I don't know where the wind is blowing, got directions to where I'm going, nothing's certain. That's the only thing I know. Do it now, do it now, while the vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave it too late, we'll Chanson de la saga des Fab Four, Letting Go, sortie en 1975. Voici la version longue sur RG. Paul McCartney, bien sûr. Thank you. est un petit peu trop douce pour une fin d'émission, puisque Eric me l'avait dit par rapport à Johnny. Maurice Chevalier avait dit à Johnny, quand tu fais un concert, tu mets le paquet au début, tu mets le paquet à la fin, et entre les deux, tu fais ce que tu peux, et c'est, faut surtout réussir le début et la fin. Donc, pour réussir la fin, il fallait une chanson qui ait du punch. La voici sur RG. Extrait de Back to the Egg, l'un de mes albums préférés de Paul McCartney. C'est pour vous les amis, on met le son à fond. Dans quelques instants, ce sera Eric et Johnny de AZ. À tenir jusqu'au bout malgré un dos complètement en vrac. Je vous donne rendez-vous, j'espère, la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, dans 15 jours, il y aura le match, les Beatles contre les Rolling Stones. Je compte sur vous pour m'aider. Ça sera bien, ce sera très très bien. Dans quelques instants, Eric et Johnny de A à Z. A plus, salut, ciao.